La femme qui nous lie. Elle a caché son nom aux portes des mémoires, d'un jeu de pierre qu'un autre a sculpté sans le savoir, pour échapper au temps. De l'amour, elle a aimé le regard et nous enchaîne chaque instant. Serait-ce une fuite après des jours sans issue? Elle est de celles qui ont disparu, entend le cœur des hommes. Elle, l'autre de nous-mêmes, la matière symbolique, masque du cœur que muse inspire, qui cristallise le souvenir et fait d'un rêve un voyageur, amoureux pour des galaxies.